planète se réchauffe. Pas la peau aujourd'hui. Je sais plus du titre qui est pas marqué là-dessus. Comment ouvrir une porte dans sa vie? Est-ce qu'il y a des portes à ouvrir dans notre vie? On se les fait fermer sur le nez d'habitude. Ah bah, ça sent des ouvrir. Ça sert à quoi une porte dans sa vie? À part de se faire écraser les doigts entre la porte et le seuil de porte. Ben, je sais que se faire écraser les doigts dans le seuil de porte. Une porte, premièrement, c'est faite uniquement pour fermer une pièce. On ne fait pas une porte pour ouvrir une pièce. On fait un trou qui reste là. Une porte, c'est faite pour fermer une pièce. Ouvrir une porte dans sa vie, ce serait simplement essayer de comprendre de la mécanique qui nous permettrait de se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer de tout ce qui écœure l'humain, de tout ce qui le limite, de tout ce qui le manipule, de tout ce qui l'embête. Se libérer aussi de son ignorance. Prendre une porte de garage? Non, un peu plus grand quand même. Plus grand? Ah oui. Porte de garage. La médiocratie. Ça, c'est de l'orgueil, je te dis là. Tu penses que tu es déjà si libre? Il faut juste une petite porte de garage. Ça prend plus grand que ça. Hein? Ah oui. Ou plusieurs portes de garage, une après l'autre. Mais une porte, moi, j'ai toujours eu l'impression que je me laissais aspirer, ou en tout cas, guidé dans un corridor, là, j'ai une idée géniale, là, puis là, bon, c'est le moyen de m'en sortir, puis je pars dans cette direction-là. Mais vu que l'idée ne t'appartient pas, vu que tu ne penses pas, vu que tu es manipulé, vu que l'idée ne t'appartient pas, lorsque le gros morceau de l'idée se retire de ta tête, il te reste la mémoire de l'idée. Puis comme il te reste la mémoire de l'idée sans le reste de l'idée, tu ne sais plus quoi faire avec, c'est là que tu te casses la gueule. Exactement comme si tu as une personne qui a une idée géniale, il part une compagnie, et lorsqu'il meurt, eh bien, les personnes qui sont là doivent continuer la compagnie, mais si le générateur de l'idée n'a pas eu le temps de tout transmettre, c'est-à-dire de tout placer dans la matière d'une façon suffisamment dense, pour que même des imbéciles puissent continuer, c'est pas long que tout tombe. Si on regarde la majorité des sectes organisées par des gourous ou des maîtres, lorsque le gourou ou le maître s'en va, on prend Aurobindo. Alors, lorsque Aurobindo est mort, mère est restée. Lorsque mère est disparue, Auroville est tombée. Oh, ça existe encore aujourd'hui, mais ça n'a vraiment rien à voir avec ce que c'était. Et c'est continuellement comme ça. Quand tu dis, lorsque j'ai une idée géniale, bien, j'embarque là-dedans, puis à un moment donné, je me rends compte que je me suis fait avoir. C'est simplement parce que tu as perdu l'idée géniale en t'en allant. Il te reste des mémoires, mais il ne te reste pas l'idée géniale. Et quand t'arrives, parce que au moment où... La fille n'est pas un génie. Non, ça, j'en doute pas que je ne suis pas un génie, je suis mieux que ça. Mais quand t'arrives vis-à-vis la porte, puis que la porte se ferme, est-ce que c'est parce que je suis arrivé là que la porte se ferme, ou est-ce que ça serait fermé de toute façon, ou je t'arrive en retard, ou... Lorsque le vent ouvre une porte, puis que tu passes une deux semaines à te demander si tu traverses ou pas, ça se trouve bien souvent qu'on décide toujours d'y aller à la dernière minute. L'être humain est un être qui fonctionne extraordinairement bien lorsqu'il est instantané. Et dans le langage commun, l'instantanéité, c'est pour la majorité des instructeurs à être à la dernière minute. Parce que la médiocratie contrôle la psychologie de l'homme, parce que l'être humain se croit médiocre, parce que l'être humain ne s'autorise pas à être un peu plus efficace, il se décide toujours lorsque le vent referme la porte. Lorsqu'il a l'impression que le bâton commence à bouger, là, ben là, il se garoche. Il l'a en plein visage, et puis, nécessairement, il ne comprend pas. Et évidemment, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on est manipulé, on est manipulé à attendre, on est manipulé à se garocher quand c'est plus le temps. C'est ça? Exactement. Alors, on n'a pas libre d'arbitre, que je pouvais voir comment j'aurais pu faire pour penser qu'il fallait que je passe là. C'est pas moi qui pense. Effectivement, l'homme n'a pas de libre arbitre. La femme non plus. Et l'enfant encore moins. Il est pas libre avec les parents. Mais c'est qui décide d'aller mettre une porte où il n'y en avait pas? Non, qui décide de passer là où les portes se ferment? Ben, qui m'influence à passer là où les portes se ferment? C'est pas moi qui ai décidé. Oui. C'est qui? Toi. C'est pas moi. Oui. Ça pense dans ma tête, puis ça me dit qu'il y a un corridor, et puis qu'il y a une porte qui est ouverte, puis je m'en vais dedans, puis ça se ferme. C'est pas moi qui ai pensé. Sauf que, là, tu dis ça dans ta tête, je vois un bon, etc. Mais quand tu vis, puis quand tu y vas pour passer par la porte... Là, je pense que c'est moi. Oui, voilà. Ben, c'est encore là, je pense, donc c'est pas moi. Effectivement. Mais qui m'influence à faire ça? Toi. Pour recommencer. L'humain est convaincu qu'il a une pensée. L'humain est convaincu que la pensée positive, ça fait quelque chose. La pensée positive, ça fait simplement que la porte qui est ouverte, ben, tu la vois ouverte. Elle est ouverte, pareil. Ça ne change rien, la pensée positive. Puis quand tu casses la gueule dedans, pensée positive ou non, la porte, quand elle est fermée. Ça ne permet pas de la défoncer, les portes. Non. La porte défonce l'humain. L'humain ne défonce jamais les portes. L'humain, quand il défonce une porte, c'est que quand il, après 20 coups sur la porte, eh bien, le 21e coup se donne dans la porte qui, de toute façon, s'ouvrait. Alors, il traverse. Et là, il dit, j'ai gagné, j'ai réussi. Ça lui donne l'illusion d'avoir un libre-arbitre. Ça lui donne l'illusion aussi d'être capable d'en défoncer d'autres. Alors, il va encore s'aplatir le nez pendant quelques années sur une autre porte, qui va s'ouvrir à un moment donné quand ça va être le temps. Puis, il va encore traverser. Il y a des individus qui, en affaires, sont jalousés négativement par énormément d'autres hommes ou femmes d'affaires, uniquement parce que ces individus-là ne travaillent pas 70 heures par semaine, ne travaillent pas 5 jours par semaine, ont 3-4 jours de congé par semaine, et ils ne travaillent pas grand-chose. Et ils réussissent. Et les autres trouvent qu'ils ne travaillent pas, etc., etc., etc., puis c'est pas correct, c'était vous, on parle d'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. D'ailleurs, il n'y a pas d'injustice à la planète, il n'y a donc pas d'injustice non plus. L'être humain, quand je parle d'ouvrir une porte dans sa vie, je veux simplement dire qu'on doit cesser de rester totalement prisonnier, de rester l'esclave d'un concept de l'humain, d'une idéologie de l'humain, d'une théologie de l'humain, d'une spiritualité de l'humain traditionnelle, comme on l'a toujours vu. Parce que nous sommes intimement convaincus que ce que les ancêtres ont pensé, ce que les livres sacrés ont dit, ont communiqué, ce que la majorité de ceux qui reforment le passé dans une apparence de neuf viennent nous conter, parce qu'on est intimement convaincus que les solutions à nos problèmes se trouvent dans l'expérience, l'expérience humanitaire, l'expérience de la tradition, on est toujours mal pris avec un fichu concept, un concept qui sous-tend la médiocratie, c'est-à-dire que c'est l'idée d'être médiocre qui est au pouvoir de l'homme, qui dirige ce que nous faisons, parce que nous n'essayons jamais, on ose reprendre totalement la vision de l'humain, notre vision, de nous-mêmes, comme notre vision de l'extérieur, notre vision de la présence sur la Terre, parce qu'on ne tente jamais de reprendre totalement, on tente de le reprendre des petits bouts, parce qu'on ne tente jamais de reprendre totalement la vision de ce que nous avons, notre éducation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit morale, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sociologique, ben nécessairement, on reste confiné dans des portes totalement fermées, dans une espèce de d'immenses pièces, on est dans un musée. On vit dans un musée d'idées, et avec ce musée d'idées, on essaye de réussir avec les vieilles recettes du passé, des gâteaux que les ancêtres n'ont jamais réussi, que ces maudites recettes-là. Donc, nécessairement, on doit ouvrir une porte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se sortir, s'en sortir, donc se sortir de ce marasme, mais on ne peut pas s'en sortir en lisant la Haute. On ne peut pas s'en sortir en lisant la Bible. On ne peut pas s'en sortir en lisant la Bhagavad Gita, en lisant le Coran, en lisant tout ce genre de livres. On ne peut pas s'en sortir non plus en lisant des livres qui ont été écrits sur ces livres. On ne peut pas s'en sortir en écoutant des individus qui rebrassent uniquement le passé avec une nouvelle vigueur. Personne ne va dire, vous devez croire en Christ, mais en Christ. Ah oui, mais on revient encore aux mêmes affaires. Ou encore, pour comprendre la Bible, vous devez la lire avec une narine bouffée. C'est très intéressant, c'est génial, là, les gens se garochent, c'est quelque chose de neuf. C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Non, ça n'a jamais fonctionné parce que la recette n'est plus applicable, n'a jamais été applicable. De toute façon, ce n'est pas pour nous. Alors, quand on dit de se motiver, la motivation est une perte d'énergie, la motivation est une farce. La motivation, c'est qu'au lieu de manger la pomme pour la digérer, eh bien, on défait la pomme qu'on la met sur notre corps en espérant que ça va finir par devenir de la peau. Ça, c'est la motivation. Mais il faut toujours se motiver. Il faut toujours recommencer à se motiver. La pensée positive, c'est une maladie comme la pensée négative qui permet à un être humain qui est extrêmement négatif de passer à une phase de positivisme pour pouvoir se casser la gueule puissamment lorsqu'il arrivera à découvrir la réalité. C'est pas parce que je suis positif qu'il va faire beau samedi, qu'il va faire beau samedi. Bon. Oui, mais si tu es positif, puis samedi matin, ça te dépeine un peu, puis là tu dis, ah, ben c'est la vie, puis c'est fait comme ça. À quoi ça te sert d'être positif? De perdre de l'énergie à te dire, on va faire beau samedi. C'est mieux qu'être négatif. Non. Pas mieux. Pourquoi? C'est comme de te dire que l'opium, c'est mieux que la marijuana. Pourquoi? Ben parce que tu traites plus fort. Ça détruit autant. Est-ce qu'on a une destinée? La collectivité a une destinée, pas l'individu. C'est pourquoi ouvrir une porte dans sa vie veut premièrement dire se désassujettir de la collectivité. Ça veut dire devenir individuel. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple. Prenons l'exemple de la mode. Tu as des enfants, et puis tu en as un là-dedans, bon, c'est pas compliqué, lui, la mode collective, il adore ça. Si à un moment donné, on sort des chandails fluorescents, mais fluorescents, c'est qu'était fluo. Si on sort des chandails fluo, ben, il faut avoir un chandail fluo, sinon, ben, on n'est pas correct. S'ouvrir une porte dans la vie veut dire ne pas mettre de chandail fluo. Et dire fluorescent, parce que c'est fluorescent. Parce que c'est sûr que si un jour, avec ton chandail fluo, on fait un tour au resto, pourment, la foi que nous entendons pour réussir à dire et là être eux. Ça serait... C'est con, comme il dirait. Oui, mais c'est ce qui arrive pareil. Mais est-ce que dire un chandail fluo, ça ferme une porte? Dire un chandail fluo, ça ferme une porte. Ou s'il n'y en avait pas. Et mettre un chandail fluo, ça ferme une porte. C'est-à-dire que si ça ne ferme pas de porte, ça t'empêche totalement d'en ouvrir une. Tu vas quelque part et tu dis, bon, ben moi j'aimerais m'acheter une paire de souliers. Ah ben ça, c'est les souliers qu'on vend le plus. Ah oui, là, bon, ben pas faire un problème. Tu n'ouvres pas de porte, tu fermes les portes. Parce que c'est collectif. Oui, tu suis la masse pour gérer ta vie. Mais si c'est ceux-là que tu veux. De toute façon. Si c'est ceux-là que tu veux de toute façon, oui, mais une chose certaine, c'est que si c'est ceux-là que tu veux de toute façon, fortement possible qu'il serait mieux de prendre si tout le monde les a. Pas pour faire snob. Si tu fais snob, tu rentres dans un autre gang des collectifs, anti-collectifs. Bon. Que par principe, ne pas acheter ce que tout le monde achète. Pas par principe, ce n'est pas un principe. Si c'est ceux-là qui te vont le mieux, tu les mets. Bon, il n'y a pas de problème. Mais ne pas les acheter parce que tout le monde les achète. Ah, ça, c'est évident. Mais là, on va dire, oui, mais c'est pas à cause d'un chandail fluo ou d'une paire de souliers que... La journée qu'on va décider que tel morceau musical n'est plus à la mode, celui qui a acheté les souliers et le chandail fluo, ben, il est bon, puis ça non plus. La journée qu'on va décider que c'est Dieu qui est à la mode, ou que c'est Krishna qui est à la mode, ou que c'est les extraterrestres qui sont à la mode, ou que c'est ce que tu voudras, ah, lui aussi va embarquer là-dedans. Il n'est pas pour être niaiseux, il est niaiseuse. Bon. La journée qu'on va décider que c'est normal de prendre avec des couteaux dans nos culottes, ben, il va en mettre un aussi. Parce que ça, c'est se fermer toutes les portes, c'est se fier sur la collectivité pour évoluer. Ça, c'est les portes sur la liberté. Oui. Si t'es collectif, tu peux pas être libre. Un individu perd son intelligence dans ce groupe. Une collectivité, là, c'est tout, c'est inversement, en termes d'antenne d'intelligence, c'est inversement proportionnel à la quantité des individus. Deux individus sont presque souvent deux fois moins intelligents que s'ils seraient tout seuls. 10 000 individus, c'est une vraie farce. Et comme les 20 000 individus vont décider de comment on va prononcer ou de ce que l'on va mettre comme vêtements, ou de ce que l'on va manger, ou de quelle façon on va fêter, Ben, attends, tu penses qu'il y a énormément d'intelligence dans ce qu'ils vont choisir. Mais quand quelqu'un a dessiné, on prend l'exemple des vêtements, celui qui a dessiné la paire de souliers de tulle, quand il l'a dessiné, il peut l'avoir dessiné de façon intelligente. Ça peut être un soulier qui va bien au pied, qui est solide, qui a toutes les qualités. Oui. C'est pas nécessairement lui qui va faire la. C'est dangereux. C'est qui? C'est toi. Celui qui l'achète. Toi, tu l'achètes parce que c'est la mode. Quand les pantalons deviennent bouffants, mais là, on dit « Maudit, c'est plate! Je vais devoir m'en acheter d'autres! » T'es bien cave! Parce qu'à un moment donné, les robes rétrécissent un peu. Ah ben là, il faut faire que je les fasse toutes refaire. Si tu chiales une fois dans ta vie, t'es un maudit imbécile. Parce qu'à un moment donné, ah ben là, ça y est, là, il rallonge. Mais oui, ils sont pas obligés de les rétrécir jusqu'à temps qu'ils arrivent à la ceinture. À un moment donné, ils vont les rallonger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le troupeau vit comme ça. Quand tu décides cette année, la mode est au vert. La dernière, c'est au jaune, hein? Tiens! Là, le monde, il garoche tout pour acheter des affaires vertes. Mais l'année d'après, ça change encore de couleur. Puis quand une personne se dit, ben moi, il me reste plus un seul chandail, ben tu vas en acheter un vert. C'est pas ça qui est le problème. Je connais du monde qui tombe de ses garde-robes et qui trouve que ça coûte tellement cher, assez qu'il y en a qui se payent le luxe de même plus faire attention à leur linge. Parce que de toute façon, il faut qu'on change. Dernièrement, j'ai vu des annonces, c'était même pas des annonces, c'était bien pire que ça, c'était des personnes, des commentateurs sportifs qui expliquaient aux téléspectateurs et aux téléspectatrices que cet hiver, pas tellement plus que 800 $, on pourrait s'acheter un vêtement de ski très à la mode, voyant sur les pistes et qui plairait à tous les skieurs qui vous verraient. Et puis là, on démontrait les pantalons, c'est fluo, putain. Et puis là, il y a l'Axip avec ça, puis là, il y avait 3-4 personnes qui en parlaient. Ah oui, c'est moi, je trouve ça au bout, c'est cool, ah oui. Plein de mots totalement icons parce que l'humain, c'est plus qu'il m'a parlé. C'est ça qui fait que l'humain se ferme les portes. Parle en anglais, parle en français. Parler en franglais ou en français, c'est pas bon. Être totalement pogné, pris. Quand tu t'es qu'à aller assister à une conférence de positivisme, là, t'as un personnage en avant qui se promène, puis qui essaie de dire à la gang que la gang est quelqu'un. Bon. Avec des mots d'enfant, tout croche de travers, avec un langage totalement débile, et là, on essaie de convaincre un troupeau d'animaux qui sont tous là à triper que la seule Rolls Royce en vente demain matin, ben c'est lui qui va l'avoir, puis sont 25 ou 250 ou 1000 à croire que ça va être juste eux autres. Il faut être niaiseux, puis être pogné, puis être collectif, on vous dit. Mais ils n'ont pas de libre arbitre, ils ne sont pas niaiseux. Je sais qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais si à la longue, on finit par leur taper dedans suffisamment, au niveau de l'intelligence, pas qu'au niveau de leur ego, ils vont finir par être capables de comprendre une chose. Manipuler à souffrir, manipuler à te restreindre, manipuler à te fermer. Et j'ai toujours dit que même si ton ego n'avait pas de libre arbitre, si psychologiquement l'homme n'a pas de libre arbitre, est-ce que c'est vrai? Il pense, ça pense dans sa tête, il a de la difficulté à se contrôler, il oublie toujours ce qu'il veut faire, il achète des billets pour perdre, faut croire. Quand il y a des accidents, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas le bouton qu'il voulait à bonne place, il n'y a pas le nez qu'il voulait, il n'y a pas la mère ou la belle-mère qu'il voulait, ou le père, etc. L'humain n'a rien de ce qu'il veut. L'humain finit par s'habituer à ce qu'il a, mais il n'a pas ce qu'il veut. L'homme, psychologiquement, la femme ou l'enfant, n'a pas de libre arbitre. Il n'a même pas la capacité de discerner le bien du mal. Il discernera le mal uniquement après l'avoir accompli, jamais avant. Sinon, il faudra qu'il se fie à l'expérience d'autrui. Mais il y a tellement de choses mal dans le passé qui sont bien aujourd'hui que si tu te fies sur l'expérience des autres pour savoir ce qui est bien ou mauvais, tu es encore totalement anachronique, tu es totalement arriéré. Par contre, dans la tête de l'homme, il y a quelque part une place pour la liberté. Ouvrir une porte dans sa vie veut dire, au lieu de canaliser toute l'expérience de la vie uniquement en fonction de notre émotivité, uniquement en fonction de notre psychologie, qui va nous faire aimer les chandails fluo, t'en as un, c'est pas grave, mais que tu n'ailles acheter un parce que c'était à la mode, cela veut dire que tu n'as rien acheté, l'ensemble des individus t'ont acheté un chandail fluo que tu as payé avec ton argent. C'est ça que ça veut dire. L'individu qui, à un moment donné, abandonne ce genre de choses, l'individu quitte même à se faire, c'est même moins dangereux de se créer un snobisme d'individualisme que d'être un collectif. L'individu... C'est pas plus intelligent. C'est pas plus intelligent, mais c'est mousselant plus efficace. D'accord. Comment ça peut être plus efficace de... d'acheter à rien que, comme les autres, et puis de, d'être à l'envers du trafic. Une nuance. Tout le monde se drogue, moi je suis snob, me drogue pas. C'est pas plus intelligent, c'est vrai. Ah, ou si tout le monde se drogue pas, puis moi je suis snob, ben, je me drogue, oui. C'est pas plus brillant non plus. Non. Maintenant, où il y a la nuance, c'est que moi ce que je te dis, c'est que si tout le monde l'achète parce que tout le monde l'achète, toi tu vas l'acheter uniquement si ça te plaît. Donc, au lieu de travailler du point de vue uniquement de l'émotion, tu travailles au niveau de ton intelligence. Chaque être humain est suffisamment intelligent pour ça, mais chaque être humain est bien souvent trop obnubilé pour le rendre compte. Si tout le monde achète des Lada, ou tout le monde décide d'acheter la Ford Tempo parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui faisait rire 15 ans qui vient t'en vanter les mérites, est-ce que toi, tu vas acheter cette même Ford uniquement parce que tout le monde en achète? Non. Est-ce que tu vas acheter autre chose parce que tout le monde en achète? Non. Faire le contraire, c'est pas ça. Faire le contraire ne veut pas dire que parce que tout le monde s'habille en noir, s'habille en blanc. C'est pas ça, faire le contraire. C'est quoi? Faire le contraire? Ben, si je viens de te le dire. Tout le monde s'habille en noir parce que tout le monde s'habille en noir. Tout le monde m'habille en noir parce que je m'habille en noir. C'est ça. Mais ça, c'est pas... Faire le contraire de tout le monde. Oui, mais ça, c'est pas par snobisme. Oui, tu peux le faire par snobisme. Moi, ce que je te dis pas qu'on doit devenir ça, plus snob, je te dis que c'est même préférable de développer une forme de snobisme. Alors, tu parles de principe, le principe, c'est un snobisme. Alors, quitte à avoir un principe, parce qu'un principe, c'est pas supporté par de l'intelligence. Ça peut s'adonner qu'il soit intelligent de faire ce que tu fais, mais ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu le fais, c'est parce que c'est un principe. Un principe, c'est quoi? C'est une programmation astrale, une programmation égoïque, une programmation psychologique, qui t'oblige à faire des choses. Bon. Ou j'ai un principe, je rembourse toujours mes dettes après 2 semaines. Donc. Bon. Quand ça fait 3 semaines, là, ton principe, qu'est-ce qu'il te fait? Ben, il te rend super nerveux, super stressé, t'arrives plus à sortir, tu fais pas plus de gars, tant que t'as pas de l'argent. C'est ton principe qui te fait ça. Par contre, si ton principe, c'est que tu t'en fous, c'est mieux d'avoir un principe qui stresse, du point de vue de l'efficacité. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on veut s'ouvrir une porte dans la vie, cela nous mènera où? Cela va nous mener, premièrement, à devenir naturel plutôt que d'être normal. Mais on est encore manipulé pareil à le faire. Ou à ça pas change le faire. Quoi? Ben, ça change que je ne peux pas décider c'est que le matin... C'est quoi, tu rejetterais un bonheur manipulé? Non. Ben oui, mais ça semble ça maudit. Oui, mais même si je suis heureux, là, puis je gagne à la loterie, puis j'ai tout ce que je veux, là, je suis quand même manipulé. Ah, ça, c'est pas grave. C'est ça que t'es encore manipulé. Mais c'est plus efficace. Non, mais on n'a pas le choix. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le choix de devenir celui qui est manipulé à aller à un cours de positivisme ou celui qui est manipulé à avoir des principes, comme tu le dis, pour arrêter d'être collectif. On est manipulé vers où on l'est, puis on n'a pas le choix de vers où on va être manipulé. Oui, mais une chose qui est importante, c'est que moi, je ne m'adresse pas à ceux qui n'écoutent pas mes conférences, parce qu'il y a beaucoup qui les écoutent sur cassette, bon, puis il y en a qui viennent les entendre le soir même. On est manipulé à les écouter ou à venir. Oui, tant qu'être manipulé à les écouter, moi j'aime autant donc passer le message que j'ai là. C'est évident, comme je t'expliquais à un moment donné, bon, si tu as un enfant, il est manipulé à prendre son pain, puis à mettre du beurre de pinot dessus, puis après ça, quand il le trouve, il étend sa nappe, après ça, il mange. Bon, il est manipulé à faire ça. C'est après toi, quand tu claques, il va te manipuler à tout faire. Hmm? Bon. Et ça fonctionne. Les individus qui... Parce qu'on se fait tasser. Parce qu'on instruit la psychologie, parce qu'on place de nouveaux ingrédients dans la psychologie qui vont transformer nos vecteurs de manipulation pour donner un résultat plus en affinité avec notre intelligence. Cela s'appelle se reprogrammer. On peut se reprogrammer. Mais se reprogrammer, c'est la seule et unique façon de parvenir à faire en sorte que notre psychologie, que notre ego, que nos mémoires, que nos traditions travaillent avec nous. Quand je parle avec nous, je parle du mental, je parle de l'intelligence de l'homme. De ce qui se dit, de ce qui dit à un moment donné, crime, pourquoi je fais ça? C'est l'intelligence qui voit la connerie. Mais il a fait 20 fois que la personne le refait, parce qu'elle est pognée. Elle est pognée par une programmation. Si maintenant elle reprogramme la programmation, lorsqu'inconsciemment, elle va agir différemment, elle aura agi manipulée. Mais quand elle se réveillera, elle constatera que maintenant son agissement manipulé l'a amené là où elle voulait aller. L'être humain, par son intelligence, ne peut que communiquer à sa psychologie. L'être humain, par son intelligence, ne peut pas monter des escaliers. L'intelligence chez l'homme n'est pas encore assez terrestrifiée, assez densifiée, assez descendue, pour qu'elle crée une forme de liberté dans l'expression matérielle, dans l'expression corporelle de l'homme. L'intelligence, elle a à peine, présentement, dans la majorité des humains, du contexte de leur planétaire, la solidité énergétique pour pouvoir communiquer avec la psychologie. J'appelle cela pour pouvoir néotyper les archétypes, pour pouvoir changer les formes traditionnelles, pour pouvoir amener du neuf, créer des substances neuves de vision et d'interprétation du monde dans la psychologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu resteras toujours, du point de vue de ton ego, du point de vue de ta psychologie, un être manipulé. Tant que tu n'auras pas une âme pure. Et lorsque tu auras une âme pure, c'est lorsque tu auras fini la fonte totale des mémoires de ton ego. Lorsque tu te seras un égoïsé. Tu auras un globe éthérique, tu seras immortel du point de vue de ta conscience, comme on faisait que pour l'instant, c'est pas grave. Tant que ce n'est pas fait, tu resteras manipulé. Les individus qui viennent à une conférence, lorsqu'ils sortent, ils sont peut-être conscients encore. Leur intelligence est là. Mais après 5 minutes, peut-être 10, peut-être 1 minute après être sortis, leur intelligence dans la conscience n'est plus là. Les mémoires d'intervention reviennent et l'individu retourne dans sa programmation. Et l'individu, lorsqu'il se rend dans son automobile ou encore dans la station de métro ou à l'autobus, il est plus souvent qu'autrement totalement inconscient de sa marche, de sa démarche, de sa respiration. Il ne manifeste pas, le mental n'est pas le contrôle du corps physique. Et lorsqu'il est dans l'autobus, dans l'automobile ou rentre chez lui, il arrive après une conférence d'évolution, une conférence d'éclatement, et il rentre à la maison, puis là, il peut voir le bordel des enfants, en fait, puis là, il gueule comme il est toujours gueulé. Il peut voir que le chat a mis du poil sur le fauteuil. Alors, il chiale encore comme il doit chialer. Il peut trouver que la maison est plate. Bon, mais il retourne dans ses programmations. C'est pourquoi, si on veut ouvrir une porte dans sa vie, il faut cesser de viser là, alors qu'on est ici, et qu'on devrait viser un pouce plus haut. Qu'est-ce qu'une autre doit faire? On doit minimum se servir de l'unité temporelle qui est une conférence, cassette ou en présence, pour accepter de l'information filtrée par notre intelligence. On n'accepte jamais l'information d'un orateur comme ça, parce que c'est lui qui parle. On doit filtrer l'information. Si l'information fait du sens, on doit se la répéter. Pour qui? Pour notre mémoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si je serais capable de prendre 1 heure par semaine, mais pas plus que ça, 1 heure par semaine, pour pouvoir m'arrêter et me répéter à haute voix, parler, prononcer les choses, intelligencer ma vie. Je regarde ma semaine et je dis, bon, cette semaine, j'ai pas changé grand-chose. J'ai encore chiolé. T'sais, je suis un chioleux. Un aristocrate planétaire, un être humain intelligent, un être humain évolué, il ne chiole pas. Il change les choses ou il ne change pas les choses, mais il ne chiole pas. Parce qu'à un moment donné, il y a de la gadoue après tes pantalons. Tu ne chioles pas, il y en a après. Chioler, ne pas chioler. La prochaine fois, tu t'achètes un tapis sauf pantalon. simplement, tu fais une philosophie de l'hiver, ou c'est juste, on achète de la gadoue auprès de mes pantalons, puis j'ai lavé de temps en temps, quand ils sont brûlés, j'en achète d'autres, je m'arrêtais de chioler. Tu ménages dans le sud. Ouais, tu ménages dans le sud, si tu peux. Et là, tu parles ta semaine, ton journée avant de te coucher, mais tu me ton une heure par semaine, c'est déjà assez. Mais en disant ça, tu chiales pareil. Non. Tu chiales après toi que tu t'es en train de chialer. Non, tu dis des choses. Tu chiales pas, c'est pas maudit, j'ai encore. Non, tu dis, j'ai encore fait ceci. Je ne dois pas faire ceci. Je dois cesser de chialer. Ça n'a pas de sens que je chiale. Ce n'est pas intelligent que je chiale. En plus, je ne veux pas chialer. Je perds de l'énergie, je perds du temps, je mine mon moral, je suis omnibulé par la subite, je vois moins les choses. À un moment donné, je chiale après mon moteur qui avance mal. Quand j'arrive à la maison, bien, je gueule après les enfants, je chiale après mon mari ou après ma femme. C'est stupide. Puis si tu as fait des choses qui sont... Là, c'est, pour moi, c'est une séance de négativisme. Non. C'est du réalisme, comme tu vas dire. Oui. Mais de l'autre bord... C'est même pire. C'est quoi? C'est de l'intelligenciation. Regarde, laisse-moi te dire deux secondes, on va voir. Si tu as fait des choses qui avaient de l'allure pour une fois, tu peux le dire aussi. Pas tu peux. Maintenant, tel soir, je suis parvenu à faire le ménage de ma chambre en me levant, ce qui est plus logique. Lorsque je mets de l'ordre dans mes choses, je mets le désordre à l'extérieur, même de mon attitude. Quand je suis rentré dans ma chambre le soir, c'était plus plaisant. C'est bon, tout ce qu'il y a, c'est que, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à haute voix, et tu t'entends, et tu informes ton ego de ce qu'il ne doit pas faire, de ce qu'il peut faire. Tu es en train de reprogrammer ton ego par intelligenciation. C'est ça que l'humain doit faire. L'humain s'ouvre une porte dans la vie. Mais pour ce faire, si l'humain reste dans sa conscience, inconscient, totalement assujetti à la collectivité, au collectivisme. Quand on trouve ça beau, tu trouves ça beau. Quand on trouve ça laid, tu trouves ça laid. Quand on décide que, etc., etc., on doit totalement travailler une fois par semaine à la reprogrammation de ce qui, chez nous, contrôle le corps et 99% de notre vie. Et ce quelque chose qui contrôle le corps et 99% de notre vie est télépathiquement, est réincarnationnellement, est vibratoirement, est émotivement, en relation avec toute la collectivité dans notre société, ce qui fait que si la collectivité est en maudit, bien, je serai en maudit. Donc, je dois travailler sur le désassujettissement, bloc par bloc, de mon collectivisme en face de la collectivité pour développer mon naturel, une forme d'individualité à moi, pour pouvoir gérer ma vie d'une autre façon. Encore là, on n'a pas de débarbette. Mais si ce qui justement est manipulable est reprogrammé, si chaque fois que je verse un petit peu d'eau ici, il y a du feu qui monte. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a, par exemple, du nitrate d'ammonium, du chlorure d'ammonium et de la poudre de zinc mélangée. Quand on met un peu de l'eau là-dedans, ça explose et ça brûle. C'est une manipulation. Mais à un moment donné, ce que je fais, moi, lorsque je fais de l'intelligenciation, lorsque j'observe par mon intelligence, ce que j'ai fait dans ma semaine, ce que je n'aurais pas dû faire, je ne chiale pas. Je le dis souvent, la solution, c'est de s'écœurer sans se déprimer. C'est observer. Pas observer. Commenter. C'est commenter. Là, je suis en train d'intelligencer. Alors, j'ai observé, et il y a ceci, il y a cela, j'ai pris telle résolution, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, j'ai encore alimenté mon corps physique d'une façon absolument imparfaite. Je n'aurais pas dû manger ceci. J'aurais dû faire ceci. À un moment donné, ce que tu fais, c'est que la poudre de zinc la transforme pour de la poudre de métal, de fer. Lentement, le chlorure d'ammonium, tu l'élimines. C'est ça la reprogrammation. Et là, quand tu vas reverser de l'eau là-dessus, eh bien, au lieu de prendre en feu, bien, ça va faire d'autres choses. Tu restes manipulé dans ton expression. La journée que tu vas rentrer chez vous totalement mort, inconscient, tu vas voir les enfants debout sur la table de cuisine. Puis tu vas dire « Allô, c'est moi! » Saute-moi dans les bras. Et tu sautes dans les bras. Il est plus sur la table. C'est ce que tu voulais. Et au lieu de tout briser ta soirée pour ça, tu t'en vas avec. Puis tu lui dis « Prochaine fois que tu me sautes dans les bras, le monde doit ailleurs sur la table. » Tu peux remonter sur le frigidaire. Ben là, c'est moins pire, au moins ça s'abîme un peu moins. Il montre pas sur le frigidaire. Et au lieu de tout briser, de tout défaire au complet de ta soirée, ça va mieux. Là, tu t'ouvres une porte dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement qu'à force de reprogrammer ton ego, ta mémoire, ta psychologie, tes maudites habitudes, les habitudes collectives, ben à force de refaire ça progressivement, lentement, sans souffrance, sans trop travailler quand même, une heure par semaine, et bien, à un moment donné, même si t'es mort, tu restes manipulé, mais ta manipulation s'en va droit où ton intelligence veut que t'aboutisse. Si on allait, justement, là où l'intelligence veut qu'on aboutisse, est-ce que c'est ça la destinée? Non. Pourquoi tu veux absolument avoir une destinée? Ben, moi, j'en veux une. Parce que, comme on n'a pas de libre-arbitre, je trouve qu'on ressemble à un métro ou un train. Puis il y a une traque de chemin de fer, puis c'est là-dessus qu'il faut qu'on circule. Parce qu'on non, a... le parallèle serait plus juste si tu dirais on ressemble à un paquet de petits cailloux qui déboulent une montagne. Ouais, ça, tu sais que tu vas arriver en bas, mais tu sais pas par où tu vas passer. Ouais, puis tu te frappes les uns sur les autres, puis ça s'en va, puis ça revoile, puis ton t'en perds des bouts, t'en ramasses d'autres, puis tu te salis, toi et tombe. Parce que comme on a. En tout cas, ben, moi, on n'a pas de libre arbitre. Si on n'a pas de libre arbitre, c'est qu'on est guidé vers quelque chose. On est manipulé. On n'est pas guidé vers quelque chose, on est manipulé vers rien. On essaye de rentrer dans un corridor, puis là, y a, juste comme on arrive vers la porte, il y a une corde qui nous tire en arrière, puis la porte, elle se ferme, ou ben non. Non, ça, c'est l'illusion que tu as. Regarde bien ceci. On n'est pas guidé. Si on est guidé, il serait temps qu'on change de guide. Parce qu'après quelques milliers d'années, là. Je pense qu'il nous a guidés à faire des draperies, mais il nous a pas guidés à changer l'humain. Mais c'est normal. On est guidé par notre mémoire, par notre expérience. L'expérience nous oblige à refaire le passé. Alors, on peut pas changer grand-chose. Mais pour que cette expérience-là arrête de nous guider à entrer dans des corridors où il y a des portes, on allait être sifié, ou est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on rentre dans un corridor où il n'y en a pas de porte? On n'aurait pas besoin de l'ouvrir. Tu ne peux pas! Pourquoi? Parce que à l'instant où tu sors de la salle ici, de vivant, d'intelligent, de conscient, tu tombes mort. On a juste à rester vivant. On n'a rien qu'à rester vivant. Ça, mais c'est fais-le. Facile à dire. Non, c'est facile à dire, c'est facile à faire. Personne n'arrive à le faire. Est-ce que si on est capable de faire ça, on va arracher les portes où il n'y en aurait plus de portes? Tu seras plus du tout dans le même monde. Il n'y a plus de corridor, il n'y a plus de porte. Tu seras un fils unique, tu seras un être humain unique, tu seras le seul conscient, tu seras même plus collectif, tu vas être carrément à l'autre bord de la porte. Sauf que l'humain ne peut pas faire ça encore. Pourquoi? Parce que lorsque l'humain se met à marcher, regarde ceci. Vous êtes assis. Pendant une heure, vous cumulez une forme d'énergie, vous prenez de l'information. Il y a des choses qui sont stimulées chez vous, il y a des choses qui font de l'allure, ça réveille, ça va, ça c'est parfait. L'intelligence est plus exprimée. Le problème, c'est que vous n'avez qu'à bouger une jambe. Si tout le monde se met à faire ça, là, ben, savoir que dans 2-3 secondes, toute intelligence et conscience va des fois être partie. Parce qu'on va t'occuper à bouger une jambe? Essaye, toi. J'ai rien senti. Mais non. Mais t'es plus le même gars qu'avant de la bouger. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui fait qu'il draine l'énergie ou qu'il draine la pensée vers la jambe? On doit être assez intelligent pour être capable de... femme à la chambre puis à siffle en même temps. On est assez orgueilleux pour dire qu'on est assez intelligent. On est capable de faire plus qu'une chose. On est capable de bouger une main puis de continuer à parler. On est capable de conduire puis de continuer à penser puis à parler aussi. Quand tu conduis, là, Faites l'expérience, vous devez le faire, vous allez voir ce que ça va donner. Même toi, tu feras l'expérience. On tend la main comme ça, vous allez voir une expérience très pratique. On tend la main en avant, on la met pas sur les oreilles de l'autre. On y va tout le monde, là. Laissez faire vos égos niaiseux qui sont gênés. On tend la main comme ça, là. C'est bien, bien quétaine, c'est facile. Bon, juste le fait de l'attente, la majorité ont déjà perdu leur conscience. Et maintenant, on continue la conférence, la main tendue. Tu vas voir ce que ça va donner. Tu vois, ce ne sera pas long pantoute que ton corps physique il te plante carrément. Pourquoi? Parce qu'il te fatigue? Parce qu'il te fatigue, mais pas que pour ça. Pour la simple raison que lui fonctionne avec un système endocrinien. Puis ça sera pas long du tout, que l'intelligence va tomber. Mais pourquoi elle va tomber? Parce que vous pouvez relaxer la main, vous allez voir, de toute façon, vous ne réussirez pas. Bon. Pourquoi? Lorsque l'être humain vit uniquement mémoriellement, il est astral, c'est-à-dire qu'il vit de sa psychologie, l'ego, le siège central de l'identification, le je ou le moi, s'exprime uniquement par les voies corporelles, et une fois exprimé par les voies corporelles, il y a des capteurs qui vont lire ce qui se passe dans le corps, et le lisant, cela va informer notre ego de ce qui se passe. Si une personne a peur, l'ego ne le sait pas. L'ego a peur, l'ego ne le sait pas. L'ego a très peur, l'ego ne le sait pas. Mais comme l'ego s'exprime directement par le système hypothalamien, une partie du cerveau, dans le corps physique, en sécrétion endocrinienne, lentement le cœur va commencer à accélérer, et là il y a des capteurs qui vont décoder que le cœur accélère, et l'ego est au courant, l'ego sait que quand le cœur accélère de telle façon, c'est parce qu'il a peur. Mais c'est qui a peur en premier? Le corps ou l'ego? L'ego. Mais ce qui arrive, c'est que le corps physique, à cause de ses graisses, surtout sa musculature un peu, son cerveau aussi, il est capable de conserver une grande partie des hormones qui n'ont pas atteint leur cible. Il y a des récepteurs spécifiques et il y a des hormones qui ne s'y rendent pas, qui sont simplement stockées au niveau des graisses, des muscles, etc. Si on est assis. Quand on est rentré, quand vous vous promenez quelque part et que quelqu'un vous saute dans le dos la nuit et fait un gros bœuf, vous avez peur. Vous sursautez. Ça, c'est nerveux. C'est-à-dire que c'est pas nerveux parce qu'on est nerveux psychologiquement, mais c'est une réaction nerveuse. Les oreilles reçoivent le cri. Automatiquement, le cerveau reçoit une décharge assez forte et le corps physique réagit en fonction de ça. Mais on n'a pas peur encore. 2, 3, 4, 5, 10, 15 secondes après, on commence à sentir le cœur accélérer. Il y a eu sécrétion d'hormones, et avant que les hormones arrivent au récepteur spécifique, ça prend un laps de temps. Si psychologiquement, tu n'as plus peur, puis à un moment donné, ton cœur accélère, tu te mets à transpirer, tout y est là. Bon. Là, ce qui arrive simplement, c'est que quand vous êtes rentré dans la salle, toi y compris, vous étiez plus ou moins mort. Qu'est-ce que je veux dire par mort? Je veux dire que vous n'êtes pas conscient de tout de votre présence. On est mémoriel, on pense, on s'en vient, on regarde les choses, on jase, bon, etc. Mais on n'est pas lucide. Tout le temps que cela se fait, on n'a pas conscience de nos muscles, on ne manifeste pas, on n'a pas conscience des muscles, on n'a pas conscience du corps physique, on s'en vient, on marche, on ne se rend même pas compte que le corps monte des escaliers ou pèse sur un piton d'ascenseur. On n'a pas conscience. Pendant qu'on n'a pas conscience du corps physique, il y a énormément d'expressions de l'astral, de la psychologie, de façon hormonale, dans le corps, très minime, il y en a régulièrement. Là, vous venez vous asseoir ici, et une fois assis sur la chaise, tout ce qui a été exprimé, parce que la circulation ralentit, etc., ne se rend pas au récepteur spécifique et va commencer à stagner, à être stocké. Quand l'être humain, ou quand vous allez, tout à l'heure à la pause, vous levez debout, vous remettez en marche votre corps physique. Et là, il y a un paquet d'hormones stagnantes qui, elles, vont recommencer à circuler. Il y en a qui vont être légèrement libérés des muscles ou des graisses, ça n'a pas été encore enterré. Et vous allez sortir, et vous allez marcher. Et là, ça recommence à se promener. Et tout ce que vous étiez avant de venir vous asseoir, c'est ce que vous allez être en sortant d'ici. Ça veut dire que pour être intelligent, comme tu le dis, il faut arrêter de bouger? Non. Parce qu'on va toujours retomber dans ce qu'on était avant. C'est ce que tout à l'heure j'ai dit. Ah ben, Si on n'est pas intelligent au bureau, on n'est pas intelligent à la maison, on passe du bureau, on en s'en vient à la maison. C'est enregistré, recule la cassette, puis refais-y passer le morceau. Non. Je vais aller écouter. C'est pourquoi je dis que, au lieu de tout faire pour être conscient, dans le début, là, c'est comme apprendre à conduire un automobile manuel, là, ça demande beaucoup de choses. Quand tu as la mémoire d'intervention d'établie, c'est facile. Mais dans le début, tu me parlais pas, tu me faisais pas des grosses causettes quand tu as commencé à apprendre à conduire. Est-ce que tu sais conduire ça, manuel? Oui. Bon. Quand tu as commencé à apprendre à conduire ça, tu jasais pas, puis tu regardais pas les oiseaux, puis tu bénéficiais pas du paysage. Maintenant que tu peux bénéficier du paysage, tu te rends même plus compte que tu conduis. Tu es toujours aussi mort. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au lieu de conduire un automobile pour la première fois, un manuel, c'est compliqué. Être vivant pleinement tout le temps qu'on est vivant, dans la journée, réveillé, c'est peut-être 1 milliard de fois plus compliqué. Est-ce que c'est faisable? Oui. Maintenant, moi, c'est pour ça que je suggère, si on veut s'ouvrir une porte dans la vie, il y a des moyens plus faciles que de travailler uniquement. Bon, quand tu as le temps de travailler sur l'intelligence, comme quand on fait une conférence, ou si on fait un séminaire, on est 2 jours à plein là-dedans, ou si on fait de temps en temps des conférences spéciales ou des sorties, etc. Bon, pendant ce temps-là, on focalise l'évolution sur l'obligation de prendre conscience. Mais quand tu rentres travailler, puis quand tu rentres à la maison, puis quand tu vas faire tes choses, quand tu vas pelleter, etc., l'humain n'a pas, le corps physique n'est pas programmé pour t'autoriser à être intelligent consciemment quand tu pelles ou quand tu fais la vaisselle. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, il n'y avait tellement pas d'intelligence chez l'homme que le corps physique s'est programmé à recevoir que de la mémoire. Alors, ce qui va arriver, c'est que la façon facile d'ouvrir une porte sur un monde neuf, donc dans sa vie, une porte qui nous amène de la paix, qui nous amène même à changer financièrement de cadre, qui nous amène à être assujettis aux lois de l'évolution de l'homme nouveau, et non plus aux lois de l'évolution de l'homme ancien, je pourrais expliquer tout à l'heure. Pour ouvrir une porte dans sa vie, on doit premièrement tout faire pour désassujettir notre comportement de nos habitudes. Une grande partie de nos habitudes sont des habitudes sociales, collectives. Et une grande partie de nos habitudes sont des habitudes familiales, acquises par l'éducation. Et certaines formes d'habitudes sont des habitudes personnelles qu'on doit aussi abandonner. L'individu qui, par exemple, se dit « Ah, merde, il fait encore mauvais. » Habitude sociale collective. Quand il pleut ou quand il neige, il ne fait pas mauvais. La personne qui dit « Bah, c'est plein de mauvaises herbes. » Il y a des pissenlits, ça va. Bon, il n'y a pas de mauvaises herbes. Elle est assujettie, là, à une habitude collective. Ce qui fait que, si la collectivité a peur d'une guerre nucléaire, elle aura peur d'une guerre nucléaire. Elle va dire, ben non, moi j'ai pas peur. Inconsciemment, elle y restera assujettie, elle n'y manque pas. Elle aura peur la nuit dans les rues de sa ville, parce que la majorité ont peur dans les rues de sa ville. Elle... Non, mais si la majorité qui sort se font tuer, elle a raison d'avoir peur. Non. Pourquoi pas? Ça va servir qu'elle ait peur. Ben, elle sortira pas. Change de sujet, là, en passant. Oui, mais si tu sais que c'est dangereux de sortir la nuit ou c'est dangereux de te promener... Sors ou sors pas, mais n'aie pas peur! Ben, tu sors pas. Si t'as peur, tu sors pas. Non. Ben, c'est plus intelligent d'avoir peur puis pas sortir que de pas avoir peur, sortir puis se faire planter un couteau dans le dos. Pas pour évoluer. Ouais, ça évolue pas plus vite avec un couteau entre les deux côtes. Non, mais tu simplement, pourquoi avoir peur? Ben, parce que c'est intelligent d'avoir peur s'il y a une gang de malades. Oui, si t'es suffisamment animal, humain, a peur. Bon, d'accord, parfait. Mais c'est pas ceux-là que je parle. Moi, je parle à ceux qui sont capables de comprendre que c'est intelligent d'arrêter sur un feu rouge, même si t'as pas peur de traverser le feu rouge. C'est simplement logique. Bon. Si tu es capable d'être... de te désassujettir, tu te promèneras peut-être pas la nuit pareil. Mais il y a une nuance. C'est pas parce que t'as peur, c'est parce que c'est dangereux. Mais il y en a un Christy de paquet qui se promène pas parce qu'ils ont peur. Tu vois la nuance? Oui. Bon, j'espère que c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. As-tu peur? Non, j'ai pas peur. Bon. S'ouvrir une porte, c'est extrêmement banal, c'est facile. On doit mettre d'avant le processus d'intelligenciation qui terrestrifie, hein, on dit grounder quand on parle mal le français, qui terrestrifie plus puissamment l'intelligence qu'on a dans nos mémoires qui nous obligent à être manipulés. Chaque fois que l'être humain se sent coupable, qu'est-ce que c'est? Chaque fois que l'être humain a honte, l'être humain vit la culpabilité, l'être humain regrette, c'est simplement que son intelligence arrive et l'instruit de ce qu'il aurait fallu qu'il soit fait. Puis l'humain, ben, il découvre que c'est pas ça qu'il a fait. Mais il n'y a rien à faire, ça vaut même pas la peine de se culpabiliser, d'avoir honte, etc., ou de s'angoisser. Parce que l'intelligence ne contrôle pas le corps physique. Votre intelligence ne contrôle pas votre corps. Elle peut communiquer à ce qui contrôle le corps. Mais ce qui contrôle le corps est une question de programmation. Ça ne comprend rien. De la mémoire, ça ne comprend pas. C'est comme de dire à quelqu'un, « À toutes les nuits, tu urines dans ton lit. » Pourquoi? T'aimes-tu ça, dormir dans ta piste? Non. Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Tu vois? Il a une programmation qui fait qu'à une certaine heure, dépendant de ce qu'il a vécu dans la journée, ben voilà, il urine. Et là, si au lieu de le frustrer, si au lieu de le culpabiliser, si au lieu de le punir, parce que l'on brûle son énergie, il intelligence, il commence un processus d'intelligenciation. Ça va y prendre peut-être 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an. Puis à un moment donné, ça va être totalement réglé. Pourquoi? Parce qu'il aura simplement changé les structures qui font que lorsqu'on pèse sur le piton, urine dans le lit, bien, ça fait réveille-toi puis va aux toilettes. Il se réveille puis il s'en va aux toilettes. Ça, est-ce que c'est manipuler le manipulateur? C'est ce que j'appelle manipuler le manipulateur. Ah, mais c'est sûr que l'enfant ou l'adulte reste manipulé. Il se fait réveiller dans la nuit pour aller aux toilettes. C'est des fois mieux. Et une fois qu'il aura fait cette étape-là, il va pouvoir poursuivre maintenant. Maintenant, je vais m'arranger pour entraîner les sphincters de ma vessie pour que ça résiste à plus qu'un verre d'eau. Dans la pratique, le matin que tu pars, toi, tu connais pas ça, mais tu t'en vas au bureau, là. Non, moi, je travaille pas. Ouais. Non, c'est ça. Tu t'en vas au bureau, il y a 52 personnes dans le bureau où tu rentres, il y a une grosse activité, puis là, tu reçois des téléphones, tu reçois des... Ah ouais, tu rentres dans nos collectifs, t'es mort. Là, t'es mort, c'est sûr que t'es mort. Mais tu meurs en ouvrant la porte, si t'es pas mort, ça te fait tuer l'autre bord. C'est pour ça que je te dis mais que tu comment vois... fais-tu pour rester vivant? Comment peux-tu non, faire... Non, laisse faire rester vivant pour l'instant. Tu pourras pas. Il me semble qu'il faudrait être capable d'arriver à le faire. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on peut être là-dedans, on peut être manipulé, ou pas manipulé, je vais enlever ce mot-là. On peut être dans ce corridor-là. Moi, je le vois comme étant des corridors. Je suis dans un travail ou dans une relation de couple, ou peu importe, là, dans un corridor, un bout de ma vie. Puis là, je suis dans ce corridor-là, j'endure, puis à un moment donné, la porte se ferme. Si j'avais su au début qu'il était pour avoir une porte, que ça fermerait, je n'aurais jamais rentré dans ce corridor-là. Oui, mais vu que tu étais mort au début, tu... Si j'avais été vivant, je l'aurais su qu'il y avait une porte. Si tu aurais été vivant, tu aurais dit « je rentre pas travailler le matin ». Oui, mais pourquoi on peut pas faire ça? Pour la simple raison que tu es déjà mort. Quand est-ce qu'on peut être assez vivant? Tu te réveilles, puis tu es mort. Et comment on peut faire pour être assez vivant pour dire « faut pas que j'aille travailler là » ou « faut pas que je me marie avec lui ou avec elle » ou « faut pas que je fasse... » Bon, si je te donne une technique qui prend 6 mois. Est-ce que c'est assez rapide? Oui. Oui? Oui, il va me rester 6 mois. Bon. Mais il faut que tu l'appliques raisonnablement. Je vais l'appliquer raisonnablement. Si tu l'appliques dans 5 mois et demi, non. Ça va fonctionner dans 6 mois. À partir de 5 mois et demi. Ça va dire 1 an. Tu dois reculer la cassette. Toi, faire comme je t'expliquais. On a le choix entre spéculer spirituellement sur nos capacités de changer, spéculer spirituellement sur notre puissance de contrôle. Puis on peut s'amuser longtemps. Puis on peut aussi appliquer des choses qui, de toute façon, sont extrêmement efficaces, extrêmement fonctionnelles, puis vont t'amener le résultat. À faire 1 heure par jour de méditation. Même par semaine, c'est déjà bon. Mais tu commences par semaine parce que je crois même pas être capable par semaine. Mais t'essaies de mettre un cadran, quelque chose, un agenda électronique que tu te payes de luxe d'acheter. Tu dis que je fais une heure par semaine pendant 6 mois. Non, non, une heure par semaine pendant une semaine. Okay. Après ça, tu as passé à 2 heures par semaine. Après ça, combien? Bah, progressivement, tu vas l'avoir une heure par jour. Bon, OK. Jusqu'à une heure par jour, rendu là, une heure par jour. Alors, rendu là, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu te fais ramasser, du moment que tu vas te retrouver seul, l'intelligation, qui est un processus maintenant, va être mécanique chez toi, ton ego va être habitué et programmé à lorsqu'il va se passer un événement, l'ego va être habitué et programmé à ouvrir vers ton intelligence, vers toi. Et automatiquement, ah ben tiens, je sais, je suis vivant. Ben oui, ce que je viens de faire, c'est pas correct. J'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est pas brillant comme ça. Bon. Après ça, tu vas continuer. Et à un moment donné, ça va être suffisamment rapide qu'en même temps que ça va arriver, tu vas avoir ton ajusteur de pensée, qui est ton intelligenceur du point de vue de l'ego, qui en même temps que tu fais quelque chose, va te corriger. Et 5 mois après, ça va se faire avant que tu le fasses. Et 6 mois après, tu es totalement conscient, totalement vivant, totalement individuel, totalement naturel. Et là, tu vas être assujetti aux lois de l'homme nouveau. Tu n'auras pas besoin de travailler pour que l'argent vienne te voir. Tu vas être capable de ramasser de l'abondance autour de toi sans jamais la perdre. Tu vas être capable de vivre avec des individus avec lesquels tu es en affinité. Tu vas donc perdre plusieurs de ce que tu crois être tes amis pour rencontrer des plus qu'amis extérieurs. Et 6 mois, facilement, si l'individu commence 1 heure par semaine à intelligencer ce qu'il ne veut plus faire, ce qu'il fait mal, puis je ne parle pas d'ego, là. Là, j'ai encore perdu à loterie. Ouais, mais c'est... Là, j'intelligence si je veux gagner à loterie. C'est pas ça, là. Je parle pas de ça du tout. Quand tu as l'attitude de ce que... d'un aimant, le métal va automatiquement vers toi. Mais pour avoir l'attitude de l'aimant, l'aimant ne se dit pas « je veux attirer le métal, je veux attirer le métal », c'est le positiviste. L'aimant ne se dit pas ça. L'aimant ne parle pas de l'aimant. Tu es un morceau de métal, présentement, tu dois créer un champ électromagnétique pour attirer du métal. Bon, c'est très bon. Tout ce que tu dois faire, c'est simple, intelligencer les choses. Mais pour toutes les personnes savent ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, ne doivent pas faire. Toutes les personnes savent où ils veulent aller. Ils m'ont dit, non, je ne sais pas, parce que t'es mort, mais Christy, si on en parle un peu, tu vas avoir une idée. Pas une idée qui va jusqu'à 2000 ans, mais une idée au moins de 3, 4, 5, 6 pour une prochaine marche. Je veux, comme je dis souvent, si tu ne sais pas où tu veux aller, ben au moins élimine où tu ne veux plus aller. Bon, élimine ce que tu ne veux plus être. Puis nécessairement, ça va te ramasser en plein où tu dois aller, naturel. C'est facile. Pour faire ça, ce discours-là d'une heure, ou cette conversation-là avec nous-mêmes, comme tu disais tantôt, si on bouge le corps, on se déconnecte. Est-ce qu'il faut être étendu? Est-ce qu'il faut être assis? Est-ce qu'il faut relaxer? Est-ce qu'on peut faire ça en conduisant? Il y a des techniques physiques pour accélérer. Ah ben, si je veux le faire, donne-moi les techniques physiques. Oui, sauf que je peux les donner. Mais il faut qu'on comprenne que c'est pas essentiel d'appliquer ces techniques-là. Par contre, ça accélère. Mais c'est encore toujours le même principe. Plus tu es pressé, plus ce sera long. Plus tu es patient, plus ce sera court. Alors, si tu es capable d'appliquer une technique, tant mieux. Mais si tu te dis, ah oui, ben merde, moi je veux appliquer, puis je suis pas capable, si c'est ça, c'est comme si je te dirais, bloque la circulation sanguine dans tes jambes, et bloque-la dans tes mains. Si tu bloques la circulation sanguine dans tes jambes et dans tes mains, tu augmentes la quantité de sang pour le cerveau, pour les poumons au niveau de l'oxygénation. Tu diminues la quantité d'hormones qui vont être communiquées au niveau de tes membres. D'où avantage. Si tu as une colonne vertébrale dans une position droite, ce qui veut dire naturel, avec les courbes syphose, lordose, etc., convenables, nécessairement, les méridiens d'énergie qui alimentent aussi ta structure cérébrale en énergie vont être corrects. L'individu qui a la tête légèrement penchée, il y a 4 méridiens principaux qui longent la colonne vertébrale, des méridiens qui ne sont pas acupuncturales et qui amènent de l'énergie minérale au cerveau. Si je penche la tête, mes méridiens se rapprochent. Se rapprochant, les champs électromagnétiques qu'ils dégagent s'interrent mal plus puissamment et ça nuit à la circulation d'énergie. Si je tourne la tête, ils se rapprochent aussi. Donc, l'individu doit avoir une colonne normalement droite, avec une tête qui n'est pas penchée, qui n'est pas élevée, qui n'est pas tournée, qui est convenable. C'est pas essentiel, mais ça va améliorer les choses. L'individu doit être assis en position parfaite ou encore en position du lotus. C'est quoi la position parfaite? C'est le talon par-dessus la jambe et l'autre talon en dessous de la première. Comme ça. Là, ça coupe la circulation au niveau des articulations des jambes et ça ralentit la circulation. C'est évident que si tu peux passer au lotus qui est comme ceci, c'est encore mieux. C'est pas essentiel. Alors, si je fais ça, ça va être si plus que l'âge, je suis pas capable de me démêler. Non, mais tu voulais. Si par la suite, tu peux croiser tes bras sans déchirer ton veston, pour pouvoir placer tes mains comme ceci, tu coupes encore la circulation au niveau des articulations de tes bras. Au début, ça crée une sensation loufoque. Quelques secondes après, une sensation de malaise. Une minute après, plus de sensation partout. Plus de jambes, plus rien. Quand tu viens pour te relever, il faut que tu détaches une jambe, tu la secoues un peu, tant que tu te découvres qu'il y a une jambe là-dedans. Mais ça, c'est un avantage. C'est un engourdissement des membres parce que tu envoies plus de sang, plus d'oxygène aux poumons et au cerveau. Ben oui, il y a moins de circulation sanguine et il y a moins de circulation hormonale. En plus, au niveau énergétique, c'est intéressant. Mais ce n'est pas essentiel. Tu voulais une technique, ce n'est pas essentiel. En plus, tu dois respirer uniquement intercostalement pour ouvrir les capteurs qui perçoivent de l'énergie minale au niveau de la partie médiale du nez. C'est quoi respirer intercostalement? Ça veut dire pas avec la bedaine, pas avec les épaules, juste avec les petits muscles qui bougent les côtes, les intercostaux. Et c'est à peine si ça va respirer quelque chose. Et ça, il faut s'entraîner encore au moins quelques minutes avant de parvenir à ça. Bon. Mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Le fait d'intelligencer. Mais est-ce que ça doit être fait de façon... dans un... Parce que tantôt, je reviens au corps physique. Regarde, l'individu qui si est moi, je conduis puis je pense pendant une heure, ça oui, marche mais pas. Mais moi, réponds tout de suite. L'individu oui. qui intelligencie une heure par semaine dans le début... progressivement, il va se retrouver à le faire plus souvent. Et une heure par semaine, il s'ouvre une porte et il s'avance vers une libération, mettons, on met des chiffres, 100 fois plus rapide que celui qui ne le fait pas. Celui qui le fait, comme je viens de l'expliquer, position du lotus, par exemple, etc., va peut-être doubler sa rapidité. Mais là, tu viens de passer de X à 100 fois plus vite. Si tu doubles ces 200 fois, tu vas dire, je voudrais ça doubler. Bon, mais veux-tu tripler? Je peux te dire comment tripler. Veux-tu quadrupler? Je peux te le dire aussi. Non, mais c'est assez. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'en quadruplant, il va falloir que tu mettes tellement d'efforts et d'énergie là-dedans, qu'il y a assez de t'imaginer. Tu essaies de mettre ta jambe là, puis il est maudit. Ça te prend une demi-heure. Fais une demi-heure de perdu dans ton intelligenciation. Mets-la donc à terre, puis intelligence, sinon. Okay, c'est pour ça que je dis, bon, dépendant des corps physiques, etc., si tu as un enfant, tu veux lui montrer ce qui est souple encore. Si dans 6 mois, je peux réussir à avoir un corridor qui n'a pas trop de portes, en faisant ça 1 heure par semaine, puis après ça 1 heure par jour, je n'ai pas besoin de faire la position du lotus. Non, 6 mois, exactement. J'ai juste ça à faire. J'aime la façon dont tu dis ça. Tu parles comme la majorité je dirais pas le mot, là. Enfin. Tu peux le dire. Non. Tu me l'as dit pas dans 6 mois. Commence par I. Ça finit par E. Ouais. Voilà. Ça prend un S après le E. Oui, pour ça c'est laid. Ça c'est des invités. C'est ça. On a rien que ça à faire, juste ça à faire. C'est juste. Ben oui, t'as juste ça à faire. Ben ça. C'est, ben, c'est comme quoi faire pour vivre, respire. Rien que ça à faire, c'est déjà une chose. Comment faire ça? C'est assez, c'est rien que ça à faire. C'est oui, c'est déjà ça. Ben simple. C'est ben simple. Intelligencer, c'est la façon d'ouvrir les portes. Je reviens là-dessus, même si ça paraît extrêmement banal. C'est observateur. Je peux te donner des techniques absolument fabuleuses, géniales, mais ça m'a trop long à dire. J'ai hâte de voir ça dans 6 mois, on va vous le dire. Ça va. Dans 6 mois, je vais vous dire s'il l'a fait. Parce que ça marche. Ça va pas avec. Ça fonctionne. N'importe qui, puis c'est tellement simple. Tu vas le dire, par exemple, je connais une personne, moi, qui fait 20 minutes de méditation 2 fois par jour. Et je l'ai fait, ça, des fois. Voilà. Au bout de 6 mois, t'as pas changé autant que ce que je te compte, là. Non, j'ai arrêté après 2 mois. Celui qui médite, il est collectif. Il n'a pas de conscience individuelle. Il est... Mais quand je l'ai fait, ça m'a aidé. Je dis pas que ça l'aide pas. Ça l'accélère. Parce que tu élimines une sécrétion hormonale pendant ces 20 minutes-là. Mais quand tu reviens après, t'es en forme, ça va bien, mais une demi-heure après, t'es plus ou moins revenu comme t'étais. Parce que tu élimines des programmations, tu vides des programmations à coup de 20 minutes, mais c'est très long. L'intelligentiation est plus efficace. Tu arrives à changer malgré tout. En intelligenciant les choses, 1 heure par semaine, à un moment donné, on va s'en aller après un mois, disons, après 4 fois, on va y aller avec 1 heure ou 2 fois par semaine. Après ça, on va s'amasser progressivement 1 heure par jour. Ça change tout ce que l'humain peut s'amener, tout ce que le positivisme promettait, qui ne peut pas fonctionner. Je ne me dis pas qu'on va être capable d'avoir l'automobile que l'on veut. Humainement parlant, on ne chialera plus, on ne souffrira plus. On va cesser de perdre son énergie, on va cesser d'être malade, on va ralentir le processus de vieillissement, on va développer son système cérébral, on va améliorer tellement ce que nous sommes que progressivement va commencer à s'associer autour de nous des éléments de la vie qui sont manipulés à être en affinité avec nous. Progressivement, on sera entouré d'individus convenables, de collègues plus fonctionnels. On aura une matière financière qui va commencer à venir nous entourer aussi. Il y a tellement de choses qui vont changer, uniquement parce que ces mécaniques, ils sont obligés de s'associer à quelque chose comme ce que l'on peut être. Ça, ce sont des résultats secondaires de ce que je te parle, mais ça vient avec. Ça vient avec. Quand tu achètes une automobile, là, normalement, les pneus viennent avec. Mais tu n'as pas acheté les pneus. Est-ce qu'on peut le dire à quelqu'un? Pendant 1 heure, si 1 heure par semaine, si on a besoin de ça pour se céduler, qu'à chaque lundi... Parler à deux, intelligencer à deux? Oui, bien dire qu'il y en a un qui dit, disons, pendant une demi-heure, il dit ce que lui a vu qu'il a fait de correct et de pas correct pendant la semaine. On n'a même pas besoin de dire comme ça. On peut effectivement se mettre Est-ce à deux. Est-ce qu'il faut le verbaliser? Oui, très important, on le dit à voix haute. Mais on peut discuter tous les deux des stupidités qu'on fait. J'ai pas besoin de tout parler 1 heure de temps. Tu m'écoutes, on n'a qu'à jaser. Oui, mais c'est idiot quand on chiale. Tu vas y aller trop régulièrement. Mais on doit faire attention quand on est deux pour que ça ne vire pas en plainte, en chiolage. Puis quand on est en couple, que ça ne vire pas en chicane. Parce que fiez-vous sur les habitudes.